Tu veux savoir pourquoi nos écrits sont souvent tristes et les nerfs à fleur de peau rappant la mâchoire crispée. Parce qu'ici y'a plus de respect, encore moins de fair play. Et tellement hardcore que les coups du sort se comptent à l'appel. Mec, avoue que c'est pas net. Mec, depuis ta lettre au président, rien n'a changé, toujours les mêmes aux manettes. À part un champ rempli de haine et d'amertume en guise de garde-fou. Au fond, dis-moi qu'est-ce qui nous reste? Un tas de merde et tu peux quoi? La banlieue réputée pour son chaos, ses dures lois, son taux de criminalité et ses territoires de non-droit. Chacun sa croix, Dieu pour tous et chacun pour soi. C'est pour mes gars qui carburent au son pour éviter de sombrer. À tous ces qui peuvent tomber trop tôt, on essaie de s'accrocher comme on peut sans corde et harnais, avec un micro et un mental en béton. On est noir sur bivard, nous on reflète ce qui se passe. On rappelle l'espoir qui se casse, mais on s'impasse qui te glace. Pas de répit, tant d'écrits teintés de gris sur un truc sinistre. De morceaux pessimistes et si tristes. On est noir sur bivard, nous on reflète ce qui se passe. On rappelle l'espoir qui se casse, mais on s'impasse qui te glace. Pas de répit, tant d'écrits teintés de gris sur un truc sinistre. De morceaux pessimistes et si tristes. Paye ton joint et ta bière, vas-y fais tes affaires. En troupeau, en bas du hall, qu'est-ce qu'il y a à faire? Le triple 6 parle du cabia Lucifer. Le hip pop, le sport, on y croit dur comme fer. Les économes espèrent, les études réconfortent les mères. Nos potes volent, instant les codes du monopole des guerres. Adeptes fiers, du RER, on ne sait guère se taire. Les nerfs se perdent dans des affaires de merde et consomment les terres. Depuis le début, ma gueule, y'a pas d'égalité. Entre les blocs et la dalle, une grosse affinité. Pourquoi tout va mal, trop d'agressivité. Mais on est laissé de côté, c'est ça la vérité. Mais laissez se taire à l'Elysée, je peux pas me faire à l'idée. Qu'à terme on soit gratifié, que Chirac soit verbalisé. Une sévère gratuité pour les précaires gaminés par la misère attitrée. Priorité par des maires appliquées quand claire la cité. Sois pas le vivier de gun et de canon. On chicane canne dans les caves pour gagner des galons. On connaît pas le pardon. On se cague sur la maille, ça braille les petits râles mais reste sans égal. En manipulation de ballon. On est du noir sur vivard, nous on reflète ce qui se passe. On rappelle l'espoir qui se casse, mais on s'impasse qui te glace. Pas de répit, tant d'écrits teintés de gris sur un truc sinistre. De morceaux pessimistes et si tristes. On est du noir sur vivard, nous on reflète ce qui se passe. On rappelle l'espoir qui se casse, mais on s'impasse qui te glace. Pas de répit, tant d'écrits teintés de gris sur un truc sinistre. De morceaux pessimistes et si tristes. Dans un peu l'oreille, la rue c'est que des histoires vilaines. Et du monde d'oseille, des coups de malaise qui règnent. Des étudiants au petit dingue, tout le monde revendique sa part soleil. Des souris des rappeurs qui se plaignent, j'comprends hic. Mais l'espoir dehors d'un profond sommeil. Les mêmes histoires et la pilule qui passe pas. On présente un territoire sur lequel il se passe quoi. La même aux 4 points cardinaux, j'rappe, j'l'écris 15 fois. Chronique du caniveau, j'balance les seins froids. C'est en graine, tu mets les pieds dedans et tu laisses un bras. De toutes ces tragédies, j'nourris la légende, le mythe. Explique mes mots amers sous le beat quand j'parle de la street. La rue a mille parfums, la créativité fait que j'parviens à faire à fond gris des parpaings. Steak, starcore n'est que le reflet du décor. Et tant pis pour ceux qui ne voient pas le rapport et pas le lien. On est noir sur vivard, nous on reflète ce qui se passe. On rappelle l'espoir qui se casse, mais on s'impasse qui te glace. Pas de répit, tant d'écrits teintés de gris sur un truc sinistre. De morceaux pessimistes et si tristes. On est noir sur vivard, nous on reflète ce qui se passe. On rappelle l'espoir qui se casse, mais on s'impasse qui te glace. Pas de répit, tant d'écrits teintés de gris sur un truc sinistre. De morceaux pessimistes et si tristes. De morceaux pessimistes et si tristes. De morceaux pessimistes et si tristes. De morceaux pessimistes et si tristes. De morceaux pessimistes et si tristes.